deuxième temps de notre série d'ouverture de l'année à la Fabrique de l'Histoire autour de la plus ancienne ville de France, Marseille. Hier, nous avons, en circulant dans l'exposition « Connectivité, cité, ville, mégalopole en Méditerranée » du MUCEM, tenté de comprendre comment, dans la lignée de l'historien Fernand Braudel, nous pouvions repenser aujourd'hui les relations autour de la Méditerranée. Demain, nous nous souviendrons du passé industriel de Marseille et après-demain jeudi, de son passé antique. Quant à aujourd'hui, Pierroline Barbet et Séverine Cassard nous proposent de réfléchir à une réinvention, celle de la musique occitano-marseillaise, dans un documentaire sur Marseille en chair et en os, on y entend ceux et celles qui ont, dans les années 80 et 90, réinventé une scène musicale occitano-marseillaise en puisant à la fois dans l'ouverture vers la Méditerranée, mais également en se réancrant dans l'histoire occitane. Un documentaire jusqu'à 10h de la Fabrique de l'Histoire avec Moussuté et Papedji, Manu Théron, Sam Carpienia et Elisabeth Sestor. Voilà, déjà, déjà on est dans la matière. Ça c'est une citation de Mistral. La mère et la fille, derrière on a un morceau de folklore gascon. Je sais pas qui le chante là, j'ai oublié, mais je suis désolé pour eux. Ça le scratch. La modernité du truc. Le son de la boue d'aigle, de la cornemuse. S'il vous plaît, continuez. Je sais pas, on l'a piqué. Voilà, ça repart. Ça, c'est vraiment. Voilà, là, il y a encore le cornemuse. Il y a encore la cornemuse, mais c'est en fait. Suivre nos modèles, qu'est-ce qu'ils font quand ils semblent, quand ils. Et le refaire pour nous, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison. Ça, c'est Félix Castan. Là, c'est la Gascogne. C'est une espèce de destruction du folklore gascon, en fait, je pense, ce morceau. C'est un groupe gascon aussi, qui s'appelle Lambrusque. C'est aussi rejeter la fatalité, c'est-à-dire c'est ça. Ok, les mecs ils samplent, ah ouais, ben nous aussi, je vais prendre un bout de cornemuse gasconne, je vais le sampler, et en le samplant, je remets le truc dans le circuit. Je le refais vivre quelque part. Marseille, en chair et en oc. À une époque où l'image de Marseille est au plus bas, les années 90 voient fleurir une constellation de groupes musicaux qui deviennent vite le fer de lance d'une ville gouailleuse et désinvolte, expressive et engagée. Ces groupes, c'est d'abord le Massy à Sound System, puis le trio Gatchampeg, Dupin, Loukouar de la Plane et bien d'autres dans leur sillage. Cette scène underground, dont certains ont acquis depuis une notoriété nationale, se réunit autour de la volonté d'intégrer dans leur musique les pratiques liées aux cultures populaires et à l'oralité provençale. Si l'occitan n'est plus parlé depuis longtemps dans la ville, il redevient, à l'aube du XXIe siècle, un moyen d'expression musicale et poétique. Ces groupes puisent dans les cultures occitanes pour tisser des liens avec le bassin méditerranéen. Ils cultivent un rapport intime, historique et politique à leur ville. Ils s'impliquent dans la vie culturelle de Marseille et multiplient les concerts associatifs et les repas de quartier. Avec eux, Alger, Naples, les Pouilles et l'Andalousie sont à portée de main. Marseille s'ouvre à ses ailleurs, s'inspire du rythme de ses habitants et fait résonner ses murs. Thank you. Déjà, moi, je suis un être un peu à part, quoi, dans Massilia, parce que je suis le seul qui ne soit pas né dans la région. Donc, voilà, moi, je débarque d'Ivry-sur-Seine, à Marseille. Moussuté, chanteur du Massilia Sound System. Et j'ai une espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, un coup de foudre, non, un truc comme ça. Donc, de suite, je décide que c'est un endroit où je dois faire des choses, ça sera là. Et en fait, je me suis lancé dans une course à l'intégration marseillaise, quelque part. J'ai voulu être plus marseillais que les gens que j'ai rencontrés, j'en sais rien. Donc, j'ai tout de suite vu que c'était au service de ça qu'il fallait que je mette la musique, en fait. Il fallait que j'arrive à lier ces deux choses-là. Donc, c'est un peu naturellement que j'ai lié mon amour du reggae, par exemple, à Marseille. Donc, tu es à Marseille. Eh ben, tu vas faire du reggae pour les gens de Marseille. Même si je ne l'ai pas effectivement réfléchi comme ça, je pense que je l'ai fait parce que, à la fois parce qu'il y a ce coup de foudre avec Marseille, à la fois parce qu'il y a ce coup de foudre pour le sound system, c'est-à-dire pour une pratique musicale qui est une pratique d'intervention, qui est une pratique folklorique, on va dire. C'est-à-dire, qui est le produit de la communauté et tu chantes pour la communauté. C'est la rencontre de ces deux choses-là qui crée Massilia Sound System. Après, dans le sound system, il y a ce côté facilité de la prise de parole, puisque on retourne le disque et on chante sur la face B, donc il n'y a même pas de répétition, de préparation, ça peut être immédiat. Je pense que ce truc-là, il libère la parole. Donc, dès qu'on a mis cette parole libérée au service de notre truc à Marseille, on avait l'esthétique de la chose et on avait la fonction aussi. Et après, il faut trouver les mots. Ces musiques, elles sont immergées dans la communauté, elles sont immergées dans le quotidien. Donc trouver les mots, finalement, il suffit de se mettre à la fenêtre pour trouver les mots. Alors les pilotis, par exemple, on peut l'écouter, on écoutait juste un petit morceau. Tu veux ? Ils étaient juste en face, les pilotis. Donc juste en face d'où on est, là, il y a une école, tu vois, qui était une ancienne école de jeunes filles et qui est devenue un centre de formation professionnelle, il y a 10 ans à peu près, à l'époque de la chanson. Donc il y avait les coiffeuses, les stylistes, et donc tous les jours devant chez moi, j'avais des filles habillées à la dernière mode, et il se trouve que la dernière mode, là, c'était les Spice Girls et tout ça, avec les pilotes, et voilà, c'était un bon sujet de chanson. Oh, une dédicace spéciale pour toutes les filles qui aiment marcher la tête haute, toutes celles qui portent les pilotes. Ah, bravo, là je dis bravo. Les pilotis, tu ne connais pas ça. Tu te dis branché, non, tu ne l'es pas. Les pilotis, c'est bien aussi parce que ça fait partie aussi de l'école de Massilia, les pilotis. C'est-à-dire, tu prends les filles qui sont devant chez toi et tu t'en sers de star pour tourner ta scène. Et ça, il y a beaucoup ça dans la pratique de Massilia, ce côté-là. Donc voilà, les pilotis, c'est le fait que ça soit une célébration des filles du quartier, on va dire, ça lui donne un sens peut-être qu'il n'aurait pas autrement. Quoi. Alors, en fait, moi, fréquentant énormément Massilia et adorant ce que faisait Massilia à l'époque... Manu Terron, chanteur. Samuel, lui, venait du rock'n'roll et Barbara était plutôt, elle, dans une pratique du chant corse depuis petite. Donc on s'est retrouvés à former ce trio vocal où on avait décidé d'introduire des percussions. Alors tambourin à sonaï pour Sam et bendir en ce qui me concerne. Et donc on a commencé à tourner un peu de partout. Et puis ça plaisait énormément aux gens parce que ça donnait... Massilia étant le côté un peu musique populaire de masse, au sens noble du terme, de ces musiques occitanes, nous on a représenté pour beaucoup de gens le côté musique populaire à l'ancienne, si tu veux, musique traditionnelle, chantée et exprimée avec une certaine hargne, une grande intensité vocale où on s'inspirait réellement d'autres vocalités populaires. Sam, très inspiré par le flamenco, parce qu'il était dans un quartier où il y avait beaucoup de gitans. Moi, très inspiré par les musiques italiennes, parce que j'avais vécu en Italie, et balkaniques, parce que j'avais vécu en Bulgarie. Et puis, et Barbara, le côté corse. Donc, il y avait ce mélange assez improbable, vocalement, et même dans le travail harmonique de base qu'on faisait, il y avait cette sonorité un peu indescriptible, qui mettait Marseille et l'Occitan à la croisée des chemins entre Jerez, Naples et Sofia. Mundial para faire que sale la cuestión, lucho de nuestro damo de tres grandes ne pas en la debocho de Jesus gran luchis, no bien para pensado de ver Jesus Cristo. scrivo del pomo in forma d'ero mio. Vuoi che mandare lo mono per l'amore buon Dio. La posture qu'on avait définie à trois sur notre regard par rapport à la tradition, c'était un regard distancié, parce que nous, on était dans une interprétation qui mettait en jeu beaucoup plus, on va dire, notre présence au monde, quoi, quelque chose de, qu'est-ce qu'on foutait là ? Pas du tout une réflexion sur l'occitanité, sur le provençal, sur tout ça. C'est pas ça qu'on proposait. Nous, ce qu'on proposait, c'est qu'à travers le filtre de ces musiques populaires issues du corpus occitan, comment on pouvait mettre en jeu notre vie là-dedans, notre façon de voir le monde. On avait décidé de risquer plein de choses au travers de cette réappropriation, des choses qui étaient vitales pour nous à l'époque. Ouais, bah, Gatienpeg, c'était un répertoire rural, puisque les textes traditionnels partent tous de la ruralité. Sam Carpienia, chanteur. Mais ma réalité à moi, c'était le monde ouvrier. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait Claudie Barsotti qui avait fait tout un travail là-dessus, de retrouver, ou en tout cas de récolter des textes qui avaient plus à voir avec le monde ouvrier, donc des textes un peu plus récents, du 19e siècle. Donc j'ai dit, ben voilà, moi je vais faire un disque dans la logique des chants traditionnels qui expriment notre quotidien. Je vais parler de l'usine, où j'avais quand même travaillé plusieurs fois, je connaissais de l'intérieur ce monde-là. Donc l'usina, c'est quelle année ? Il est sorti en 2000. Donc dans cet album, il y a des textes qui sont des textes du 19e siècle, et puis il y a aussi des chansons à vous qui sont un peu coulées dans le style des. Moi j'en ai écrit deux. J'ai écrit Lougaragaï, qui décrit l'univers de la scierie, en fait, de l'usine de la métallurgie, en fait. Avec une espèce de vision un peu fantasmagorée, un peu une espèce d'alchimie, c'est l'acier en fusion, c'est la chaleur. Comme un peu les martinettes flamenco qui parlent de la forge, de ce rapport au feu, à la matière, à l'acier. Et puis il y a l'usine qui parle un peu de la situation de Fos-sur-Mer avec le grand Eldorado promis avec beaucoup de travail. Et puis finalement, 20 ans après, les choses ont changé, la globalisation, mondialisation, le travail disparaît petit à petit et on passe de plus en plus d'une usine où il y avait quand même des gens qui étaient embauchés. Donc il y a une culture ouvrière, des gens qui vivaient à la fois dans le quartier, qui allaient travailler, qui manifestaient, qui étaient syndiqués, qui avaient aussi des loisirs en commun, toute une vie sociale qui petit à petit se désagrège. Sous les quatre roues dans moi, cinco, mi desfavir, toute la nuit, l'immense, mi guido, mi veille, moi, ça perd l'ombre de l'usine, mi ciel, ou en dieu, mi es une tchao, vieca, tout ma réalité. Regarde, il est 4 heures du matin, lorsque je me réveille, j'entends déjà le bruit de l'usine. C'est beau, c'est le moment de travailler. Il ne faudra pas se plaindre quand tu seras à l'intérieur. Les cheminées crachent le feu de l'enfer. S'il y a 20 ans de ça, on s'est déraciné, c'est pour venir travailler, le travail qui aujourd'hui commence à manquer. Après, ça parle aussi des manifestations, puisque moi, l'usine où mes parents travaillaient, c'était l'usine acier, donc qui a été rachetée. C'est aussi, moi, des grands souvenirs d'enfance, de manifestations dans les rues de Marseille. Chaque langue amène ses thématiques naturellement. Le son d'une langue amène des cadences de mots et donc des idées. Papéji, chanteur du groupe Massilia Sound System. Ah non, qu'on chantera plus souvent l'amour. Parce que les sonorités, parce que c'est une langue de l'amour et de l'humour. Et que donc ça, c'est quelque chose qui nous vient naturellement. Après, c'est peut-être un fantasme personnel que nous avons. Mais Après, elle roule bien aussi. Et dans la technique du ragamuffine, c'est important d'avoir ce côté un peu performance, un peu prouesse vocale, d'enchaîner les mots rapidement, de faire ce qu'on appelle des fast styles, des trucs qui bubble, qui font ces diphtongues comme ça, qui roulent. Et puis de passer de l'un à l'autre, je crois que ça s'explique pas vraiment. Hein. C'est quand on écrit, d'un coup, ça devient impérieux. À la fois, chez nous, c'est pas une attitude schizophrénique. Nous sommes français et nous avons intégré, digéré la culture occitane. Moi, je suis pas occitan, hein, je suis italien d'origine. Mes grands-parents sont venus d'Italie et même pas d'Italie occitane, du Piémont, mais du sud. Donc, par contre, cette culture, c'est celle qui les a accueillis, qui les a intégrés. À l'époque où mes grands-parents sont venus vivre en France, on parlait couramment le provençal dans les rues de Marseille. Petit à petit, ça s'est un petit peu aboli. Il reste des mots d'argot, il reste des gens qui cultivent, comme nous, un peu cette langue, qui la réapprennent, ou l'apprennent tout simplement. Il y a des gens qui viennent de pays bien plus lointains qui s'intéressent à cette langue pour sa beauté, pour ce qu'historiquement elle a représenté. Justement, on parlait des troubadours, évidemment. Puis pour aussi ce que la littérature occitane sous-tend depuis toujours, ses valeurs humanistes, ses valeurs du vivre ensemble et de cette joie. Mais la joie au sens des troubadours, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Donc nous, tout ça, on en a fait quelque chose qui est devenu nôtre, et qu'en plus de se rendre compte que c'était une langue qui n'était pas celle de l'establishment, et qui permettait donc à ces artistes d'avoir cette position un peu de rebelle. Par exemple, j'ai beaucoup chanté français. Sam Carpienia. Là, je reviens à l'occitan et je me sens beaucoup plus apaisé. Je me pose beaucoup moins de questions quant à la réussite de ce que je vais faire ou d'essayer de plaire ou de séduire. Et de chanter occitan, ça me reconnecte avec l'endroit où je vis, m'intéresser voilà, à l'histoire de tel quartier. Là, on est derrière, il y a la campagne qui est juste à côté, s'intéresser aux plantes, à la terre, à ce qui peut venir de là. Des gens qui font des choses, chacun dans leur coin, qui font de l'huile d'olive, d'autres du pain, d'autres. Dernièrement, j'ai fait des morceaux très rock, rock français presque. C'est bien, je sais le faire, je peux le faire, je pourrais le continuer, mais c'est aussi politique, je crois, de chanter occitan. Et c'est un engagement, on ne parle pas de territoire, là, on parle d'engagement artistique. Et je me reconnais beaucoup mieux là-dedans, je me sens beaucoup mieux là-dedans que d'espérer un éventuel succès. Voilà, faire ça de façon artisanale, j'aime bien l'idée pour l'instant de voir ça comme ça. On verra par la suite, là je suis en train de monter une structure justement pour qu'on puisse produire nous-mêmes notre musique, comme ça se fait beaucoup. Ça fait partie, je crois, d'un tout, c'est-à-dire la façon dont tu crées telle chanson, comment tu vas les produire, dans quel type de réseau tu vas aller les jouer, dans quelle connexion tu as envie de développer. C'est une dynamique totale, c'est-à-dire de création, de façon de chanter, d'utilisation de la langue, du réseau, de comment tu produis. C'est un tout. Un tout qui te fait donner envie de te lever le matin parce que tu te dis qu'il y a tout le temps un truc à faire et tu échappes à l'ennui, quoi. Et tu n'es plus dans l'attente. Finalement, qu'est-ce que tu fais ? Tu parles de ta différence, tu décris ta différence, tu chantes ta différence. Moussuté. Ok, on vit dans un monde global, et c'est tant mieux. Hein, donc on a plein de trucs qui font d'ailleurs qu'on peut changer. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait notre propre voix. Pas parce que c'est la nôtre et qu'on est content de l'avoir. Notre propre voix parce que c'est intéressant. Parce que notre propre voix, c'est notre regard différent sur les choses, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est nos recettes particulières de vie, de convivialité, de... Et je pense que notre propre voix, elle s'exprime réellement, vraiment, que quand elle est en occitan. Elle est intègre. Alors, est-ce qu'elle est intègre parce qu'elle est plus du tout liée à la vie sociale et... Non, elle est intègre parce qu'elle est plus du tout liée au pouvoir central. Parce qu'elle est un peu hors champ, mais j'imagine que si elle retrouvait une réalité, peut-être qu'elle serait moins tentante. C'est un rêve. Enfin, oui, ça se. Après, retrouver une réalité, c'est. La langue, elle a la réalité que tu lui donnes. La langue, elle est importante, c'est pas simplement parce que tu vas acheter une baguette de pain en occitan. C'est pas ça. Ce qui fait l'importance de la langue, c'est ce que tu crées avec, ce que tu fais avec. Des fois, ça fait chier les gens parce qu'ils disent « Ouais, on comprend pas, c'est dommage et tout ». Je sais pas, moi, j'ai écouté des tas de musique, je comprends jamais ce qui se passe vraiment dans les textes, mais par contre, l'émotion, elle est là, et moi, ça me touche, et ça me va très bien, quoi. C'est aussi une façon de libérer le public du texte, puisque ça devient un peu une langue instrumentale quelque part. Solo cami rascontrari lo solitari camminavi senza sapere monte ana senza sapere perché camminavi aveva simonustao clara già avemonustao e a tutto il mondo lì agradava muriome ma vide robastido d'ombro ferrugia senza espera senza regaccia d'arie l'avia più de gen d'arie senza regaccia l'avia più de gen. Camino que caminarás, que caminarás. Camino que caminarás, que caminarás. Camino que caminarás, que caminarás. Camino que caminarás, que caminarás. J'aime bien cette idée aussi de ne pas être trop directif quand tu proposes quelque chose à écouter. Chacun se plonge dans son histoire, lui, va essayer de comprendre quelque chose. Ça déclenche certainement des choses qui ne sont pas forcément exprimables. Juste le ressenti, le... Marsilia revient dans la partie. Méfie, méfie, tous les canons. Revoilà les coureurs de jupons. Nos ancêtres qu'on appelait les troubadours étaient, tu le sais, des amants très calés. Pour tomber les petits, ils chantaient nuit et jour. Personne depuis n'a jamais pu les égaler. C'est notre héritage et on continue toujours d'avoir le bon style quand on veut emballer. Écoute, cousine, cette chanson d'amour. Ouais, tu vas te régaler. Sarville, c'est les Canaros, hein. C'est Ali Bert qui chante. Une des chansons les plus connues de l'opérette marseillaise. Voilà, ça exploite aussi ça, cette espèce de faconde langagière là, du Marseillais qui rencontre une fille et puis au lieu de l'inviter à boire, il lui fait, vous avez les cas de la rose, la fraîcheur du jasmin, voilà, c'est, alors qu'il n'a qu'une idée en tête, comme tout le monde. Peut-être ce langage, il y a aussi une part du langage des troubadours dedans. Pourquoi pas? C'est la drague et la galanterie, en fait, c'est un peu... Après, ça, c'est une autre question, c'est une histoire aussi qu'on a passé notre temps continuellement à prendre les clichés qui sont posés sur nous et à les retourner, c'est-à-dire, ah, les Marseillais, vous parlez beaucoup, ok, on parle beaucoup, on va vraiment parler beaucoup, on va tchatcher le plus vite possible, des styles très... Voilà. Ah, les Marseillais, toujours en train de draguer les filles, et tout. Okay, d'accord, on va vous dire pourquoi, alors d'un seul coup, pourquoi, c'est parce que nos ancêtres étaient des troubadours, non, il y a toujours ce truc-là, vous faites que boire le pastaga, machin, ok, chacun de nos conseils, on va distribuer le pastis, on va retourner ce truc-là. Continuellement, tu peux dire que Pagnol, c'est aussi un cliché sur les Marseillais, hein, vraiment. Eh ben non, tu l'utilises et hop, on le retourne. C'est aussi ça d'être décomplexé. C'est pas ma faute si je n'ai plus tout à fait l'accent marseillais. Plus tout à fait, mais tu l'as plus du tout. Si ça continue comme ça, bientôt il te faudra un interprète. Je comprends pas la moitié de ta conversation. Nous, on est avec une espèce de fatalité où... On n'est pas dans le bon endroit, Marseille, on devrait être à Paris, à New York, enfin, on n'est pas né au bon endroit, si on veut, tu vois, cette espèce de fatalité qui était très forte quand on a commencé, ça, genre, bon, tu es à Marseille, tu pourras rien faire. Au contraire, on est à Marseille, on peut tout faire. On est à Marseille et on a le droit de parler du monde, de tout ce qui se passe, autant que n'importe qui. On refuse d'être des provinciaux, comme ils disent, je veux dire, des citoyens de seconde zone, qui ne feraient pas partie du moteur du monde, quelque part, qui seraient laissés un peu de côté, quoi, des spectateurs. Il y a beaucoup ce thème-là dans Massilia, hein. Gomme le complexe justement de citoyenne de seconde zone. Ton destin n'est pas de vivre en marge du truc, non, voilà. Tu peux très bien intéresser le monde depuis chez toi. J'aime del país, d'Occitanie, vous va au Canada, une au Canso. Ces transitions de morceau à morceau, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de références, des références musicales, intellectuelles, des sons, des samples. Alors cette utilisation du sample, je me demandais si c'était pas une manière de faire de l'histoire, si vous le pensiez de cette manière-là. Cette utilisation et de l'histoire musicale, on va dire, et des bruits du quotidien, Moi, je pense que c'est le hip-hop qui l'amène dans la musique, ça. T'as les samples des discours de Martin Luther King, t'as ses références à l'histoire. Donc nous, au début, on suit le modèle. Hein. On dit, ah putain, les mecs, c'est bien, là, ils ont mis... Il y a un vieux blues là derrière leur truc. Là, putain, qu'est-ce qu'on a comme vieux blues, nous, tu vois, on n'a pas des vieux blues. Mais... Donc on commence à chercher et puis on dit, ben, s'ils ont ce rapport avec leur propre histoire, il faut que nous, on se trouve pareil, des références. Donc Massilia marche beaucoup par références. Des références musicales, des références historiques qui imbibent toute la création, en tout cas sur les disques. Hein. Encore une fois, c'est se remettre, on remet en selle le truc dans le... On le remet dans le train. À un moment donné, ils ont foutu le truc en dehors du train, ils ont pris les valises, tu vois, et puis putes, ils les ont jetées sur la voie. Et nous, en passant, on voit les valises et hop, on les remet dans le train. Allez, revenez. C'est l'intérêt d'avoir un monde ouvert. Il est là, l'intérêt. L'intérêt d'avoir un monde ouvert, c'est pas qu'on fasse tous du R&B, quoi, tu vois, je veux dire. On peut confronter, enfin, des choses, mais pas les confronter par plaisir de la confrontation. Les confronter parce que on a l'impression, on pense qu'elles vont dans le même sens, qu'elles se complètent. Des fois, c'est des clins d'œil en sens où c'est des espèces de références, hein, d'hommages, on va dire. Je sais pas, mettre Rosine de Peyre, par exemple, dans un disque de Massilia, pour nous, c'est dire au public de Sound System qui écoute Massilia, allez écouter ça, c'est intéressant, allez... Rosine de Peyre, donc, qui est ? Qui est une grande chanteuse de musique traditionnelle occitane, on va dire, qui est un peu notre Oum Kalsoum, quoi. Quand l'eau bouillère est ben de l'aura, quand l'eau bouillère est ben de l'aura, planto son agulhado, ahéhi, ahu, planto son agulhado. Si on parle un peu de ce qui vous a précédé dans la chanson occitane, je voulais savoir si c'est des chanteurs que vous avez rencontrés, étudiés, écoutés. Dès le début, j'ai rencontré Gianmarie Carlotti, qui est sur Arles, qui est donc le chanteur de Moonjoy dans les années 70. Eux qui ont fait un beau travail de chanter les chants traditionnels avec l'énergie, avec l'esthétique, celle des années 70. Et avec tout l'aspect militantiste aussi, côté un peu anarchiste, libertaire, qui me plaît, moi. Donc, moi, je suis allé rencontrer Gianmarie Carlotti, et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai envie de chanter. Ben, il m'a donné une espèce de légitimité. Bon, moi, les chanteurs occitans des années 70, c'est grâce à eux que je suis venu à l'Occitan. La jeunesse, elle a toujours besoin d'avoir un peu des héros, des mecs qui montent sur scène et qui nous donnent envie. Donc, ils sont très importants pour moi. Après, c'est pas parce que t'es en lien que t'es pas en rupture. Hein. Ils sont le reflet de leur époque. Ils sont le reflet non seulement de leur époque, mais ils sont le reflet de l'occitanisme de leur époque, qui est très rural, un peu inféodé aux luttes paysannes, aux luttes de la viticulture, du Larzac. Donc une chanson qui décrit plutôt l'Occitanie rurale. Donc déjà, la rupture, elle est là. Parce qu'il se trouve que nous, à Marseille, l'Occitanie rurale, ça nous passe un peu au-dessus du cigare, tu vois. Donc nous, on amène une musique urbaine complètement tournée vers la ville. Après, c'est une rupture aussi parce que, pour des raisons de conjoncture, ils épousent le gauchisme français, non, le tiers-mondisme, c'est des protestants, quoi. Ben, dans les années 70, il y a des auteurs qui sont plus militants que musiciens. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui ont pris un bon coup de vieux. Musicalement, ça nous intéresse moins, puisque c'est des chansons qui ont été dans un contexte particulier. Après, tout ce qui est de la création, voilà, Gianmarie Carlotti, il a réussi à faire de la création en occitan et faire des belles choses. Voilà. De votre part, il y a eu un accent mis sur la musique aussi, quoi. Ouais, avec Manu Terroin, c'est vrai qu'il y avait une exigence artistique qui, aujourd'hui, on la retrouve, par exemple, dans La Mal Coiffée, qui fait un super boulot d'arrangement. Le militantisme, il passe par l'exigence artistique. Depuis les années 90 jusqu'à maintenant, cette génération-là de chanteurs occitans, artistiquement, ça tient la route. Les gens sont beaucoup plus musiciens que militants occitanistes, en fait. Si musicalement on est assez bon, on doit pouvoir toucher les gens au-delà de la langue. per la valla bugado cada e sa femme faghe di nuovo giardino pare padi can la puma mude e mi sta bugado mari si se nu fu sa che o che o cavle sen fa sen fa e tu giù più che de la plaine s'est construit sur l'idée de reproposer une anthologie du chant occitan. Manu Théron. Même si on avait approché des gens de Massilia, pour nous la figure de Jean-Marie Carlotte était très importante parce que justement il avait approché avec Monjoy ce répertoire déjà qui à nous semblait être le bon chemin. Je sais pas pourquoi. Le chemin qu'on suivait à l'époque et duquel on s'inspirait n'était pas celui du folklore mais plutôt celui du revival. Et une certaine partie du revival, c'est-à-dire plutôt Carlotti, Jean Domeyao, Martine Rosina de Peyre, c'est-à-dire le côté le plus pertinent par rapport à ces chants et par rapport à la façon de se les réapproprier et de les vivre dans notre quotidien. S'il y a peut-être une chose, moi, qui me plaît dans l'imaginaire de la tradition, c'est la réinvention. La tradition, c'est une invention. La tradition provençale, elle était inventée. Baron Celli en a été un des grands inventeurs, mais on est dans l'invention permanente, on est dans l'invention du passé. Et cette invention du passé, auparavant, en Provence, elle a été faite par la bourgeoisie. Là, on a la chance, nous, qui sommes issus des milieux populaires, ouvriers, de pouvoir reproposer une histoire populaire du récit occitan. Et donc on a décidé de faire cette anthologie. On l'a fait de façon un peu didactique. On a fait 3 albums, un album de chants religieux, un album de chants dansés, et March est le 3e album, c'est un album de chants politiques. Donc où il y a 5 chants que j'ai écrits et 4 chants qui sont des chants qu'on a empruntés à des troubadours et marseillaises. Et puis il y a aussi le fait qu'on a introduit de façon basique mais très efficace les percussions corporelles, pieds et mains. Voilà. Une dimension qui moi me plaisait et que j'ai voulu réellement introduire à la faveur de plusieurs écoutes que j'ai faites de collectages, notamment des collectages de la Talvert avec Félix Trébosque, où il effectue plusieurs bourrées sur lesquelles il s'accompagne au pied. Il chante plusieurs bourrées où il s'accompagne au pied. Et moi, cette dimension-là m'avait totalement échappé. Et je trouvais que de faire la percussion avec les pieds, ça n'est présent que là, c'est-à-dire dans le centre France et au Québec. Voilà. Félix Trébosque, c'est quel coin ? Alors Félix Trébosque, qui vient du Rouergue, c'est le nord de l'Aveyron, le sud du Cantal, quelque chose comme ça. Et c'est un très grand chanteur populaire, qui a été un chanteur dans son village, dans sa ville et dans son canton, qui était énormément apprécié par les gens de son coin, et qui a été collecté par la Talbert, donc par Daniel Lodo. La calle de la calle, ondas de l'Union. La calle de la calle, ondas de l'Union. Suelte de la bastida del Betamumbre su, suelte de la bastida del Betamumbre su. Media metió en la calle de que ya de dins, media metió en la calle de que ya de dins. De yo como los altres embriapes pulits, de yo como los altres embriapes pulits. Tagatagatam, tagatagatam, olé. On peut écouter un extrait que j'avais enregistré dans un bistrot à l'époque, j'avais enregistré ça avec un mini disque. Oui, c'est la nouviotte. Mais c'est... C'est rigolo, ça. Avec Gatchantec, vraiment, et avec le choir aussi, au tout début, on faisait beaucoup les bars à l'époque. Déjà, c'est très bien de tester la musique dans les bars. C'est des lieux où il y a un côté couperé, quoi, un côté impitoyable dans le jugement qui va être porté. C'est-à-dire où tu emportes les gens dans l'enthousiasme et tu fédères toute la population du bar, ou c'est carrément l'inverse, les gens n'ont pas envie de t'écouter, ils te disent bon, tu vas nous laisser un peu tranquille. Ils c'est une période que je regrette absolument pas. C'est une période que je trouvais même fondatrice de l'esprit de ces projets musicaux. Il y a une transmission qui doit se faire et c'était vraiment baigné dans ce creuset que pouvait se faire, s'imaginer aussi ce type d'ambiance extrêmement, oui, enthousiasmant, fédérateur, presque de la trance à certains moments. Oui, ben, d'emporter son public dans la trance. C'était une dimension qui était très importante. Elisabeth Sestor, sociologue. Pour parler justement de Manu Terron et de l'histoire des polyphonies marseillaises, c'est une invention. Il n'y a pas eu de polyphonie à Marseille. On l'a inventé à l'époque, j'ai travaillé pour le label L'Empreinte Digitale, qui avait toute une collection sur le monde méditerranéen, mais rien sur les cultures d'og. Donc c'était un style qui s'est inventé et qui petit à petit a essaimé. Le travail très important qu'a fait Manu Terron d'aller de ville en ville, donner des stages, enseigner, faire connaître cette culture, ces textes, des manières de pouvoir le chanter. Lui qui était nourri de musique bulgare, de musique italienne, de musique corse. Et donc ça a créé finalement ce genre musical qui n'avait jamais existé autour des polyphonies occitanes. Alors c'est une voix, il y en a d'autres. Mais je pense que c'est intéressant à souligner parce que cette histoire des cultures d'oc est très fluctuante, avec des périodes où elle est riche, créative, et des périodes où elle est plus délaissée. Et donc là, on assiste vraiment à une évolution d'un mouvement musical. Et ce rapport au local, il est aussi pas seulement dans la chanson, mais aussi dans la manière d'être. Ben, s'il a créé la tchourme, alors tchourme qui s'est étalée sur toute la France et même ailleurs, mais on va créer des lotos, on va créer des moments de vie, le carnaval de la plaine, des moments de sociabilité qui restent très importants et qui font partie de leur approche. C'est-à-dire qu'un musicien n'est pas simplement là pour être sur scène, mais aussi pour participer à une vie sociale. Et ce rapport local, il est aussi présent de cette manière-là. Ça, c'est l'amour qui vient de finir la fête. C'est le Saint-Système de la Plaine. Sardinade de la Plaine, 1er mai 2017. Et en collaboration avec la Tchoumo, c'est notre contribution pour le 1er mai avec tous ceux qui luttent tous les jours. Signor, vagabond, vie soldat. Les soldats ragamuffins, après soldats ragamuffins. Nous sommes là. Yeah. Ragamuffins soldats. Ah ben ça c'est la tchourmo, hein. Ça c'est quelque chose qui est traditionnel, qui se fait depuis plus de 20 ans. Papeji, chanteur du groupe Massilia Sound System. Et qui fait partie ben, un petit peu de ce concept qu'on avait dégagé avec l'album Tchourmo, dans lequel on avait imaginé, c'est vrai, cette communauté un peu rêvée encore de gens qui seraient actifs dans leur ville, dans leur village, dans leur quartier, qui se réuniraient pour inventer, réinventer un folklore qui soit à eux, en s'emparant des choses anciennes aussi, qu'on pourrait mettre au goût du jour, comme les parties de pétanque, de belote, de ce qu'on veut. Peu importe, tout est bon pour que les gens se rassemblent et se parlent. Et effectivement, du moment qu'il y a en plus un son système qui est là, eh bien les MC sont là pour donner aussi un peu quelques idées à discuter, quelques revendications aussi, par exemple cette année, sur la sardinade de la plaine, donc du 1er mai, qui se tient donc traditionnellement sur la place Jean Jaurès à Marseille. Cette place qui est en pleine requalification et sur laquelle il y a une vraie polémique quant au projet, c'était aussi un moment où on a pu revendiquer, où des habitants du quartier, des artistes qui sont dans le quartier, ont pu venir dire leur désappointement, leur mécontentement quant à ces dispositions que la mairie prenait. Voilà, ça fait partie de la démocratie. Les amis, ça commence à devenir crucial. Mais sans le système, il n'y a pas de problème de se poser. Et maintenant, il y a Alex qui va vous dire quelque chose de moins là. Yeah. Un peu de hip-hop, un style sombre, une matière grise dans un décor sale, instable dans cette guerre des ondes. C'est du rap, pas du sandal, mais ça reste rouge et noir, puriste et anarchiste, accroché des standards, à plus véritable. Dans le sound system, tu as la figure du dégain, quoi. Le Déguin, c'est celui qui est personne. Je pense que c'est une figure importante dans la culture des musiques provençales à Marseille. Cette idée que n'importe qui, à un moment donné, puisse faire ce que nous on fait, quoi. On peut, sur le sound system, il y a tout qui rentre. Du bel canto, de l'opérette. Donc tu peux mettre, oui, une chanson traditionnelle que tu vas chanter exactement comme la version traditionnelle que tu vas coller. Là, tu fais du collage. Ou alors, tu prends le texte de la musique traditionnelle et tu l'adaptes en direct à l'harmonie du morceau. Moi, ça, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Et tu crées une version sur le moment. Et puis, ce morceau, il n'existera plus après. Votre droit, j'ai ma formation, c'est pas fait payant. Voici la cause, il le signe, elle périt d'un pas 40 ans. Le patron de la patronne, mi facile, la mi hypnotisée. L'ami pitchou en flamme. Ma grande cagasse, c'est qui des pauvres. Au travail, il n'est pas compteur. Sur de tout ça, nous l'avons, bien sûr, on a étudié l'art de, bien sûr, de la tchatch, que ce soit chez les Jamaïcains ou chez les rappeurs américains ou encore chez les tamborellistes du sud de l'Italie, du Salento, ou encore les chanteurs de rebetiko du grec, ou encore les panderistes, les coquistes brésiliens du nord-est. La tradition de l'improvisation, c'est la tradition de l'humanité, tout simplement. Il y a cet art de l'improvisation qui est considéré comme quelque chose, oui, d'un peu élevé, parce que c'est justement l'art d'arriver à pendre une rhétorique, là, comme ça, de but en blanc, sur un sujet qui est là, ou sur une situation qui se passe là, sur le moment. Et effectivement, moi, j'adore ça, mais on est cultivé de tout ça. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous réunit? Ben, le fait qu'on s'est tous rencontrés à des moments ou à d'autres de notre histoire musicale, il y a déjà ça. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que chacun le fait avec sa sincérité et sa personnalité artistique propre d'une façon entière. Voilà. Il y a d'abord le fait de s'emparer de quelque chose au sens où on embrasse réellement une cause, où on embrasse réellement une réalité. Voilà. Plus qu'une réappropriation, c'est plutôt une embrassade et qui aboutit souvent à un embrasement. Alors j'aurais plutôt dit, tu vois, on cherchait tout à l'heure scène, machin. C'est plutôt une école, en fait. Une école, comme il y aurait une école de peinture, tu vois. On sent que c'est plutôt des identités de pratique. Je pense que ça vient un peu de ce qu'a mis en branle Massilia, c'est-à-dire ne savent pas tellement de comment on est, mais comment on fait les choses, voilà. La façon de faire. Et la façon de faire nous réunit beaucoup. Artisanal, et puis certains... artisanal, c'est aussi parce qu'on ne peut pas faire autrement. Artisanal, mais en voulant... En voulant que ça brille, quand même, il faut que ce soit bien fait. Pas artisanal, genre qu'on fasse nos petits trucs dans le coin pour les gens du quartier, parce que c'est pas ça non plus aussi. Je suis d'accord avec artisanal, mais un artisanat qui s'adresse au monde entier. Moi, je suis venu à la musique occitane, c'est beaucoup par le Massilia aussi. Parce qu'ils avaient une position, voilà, très ragamuffin, un peu délinquant musical, comme dit Papédi. Une espèce de gouaille populaire dans laquelle je me reconnaissais. Mais j'aurais pas fait la même musique, par contre. C'est-à-dire la musique occitane, c'est pas un cahier des charges, c'est pas un enfermement artistique, tu vois. C'est juste un état d'esprit, et chacun en fait ce qu'il veut. Et ça continue encore de chercher, de travailler, de créer, c'est tout le temps en action, quoi. Ben, dans notre réalité de métier, de musicien, le Cours de la Plane, c'est un groupe qui joue... on va dire 50% en France, 50% à l'étranger, dans le monde entier. Donc déjà, nous, on est mis en présence de publics qui ne comprennent pas notre langue, qui essaient juste d'appréhender notre expression artistique, et donc qui ne nous voient pas comme des gens qui vont décrire le quotidien marseillais ou ces choses-là. Ils nous voient plutôt comme des gens qui vont inventer... une vocalité spécifique avec des percussions. Donc du coup, qu'on nous classifie dans les musiques occitanes marseillaises, pourquoi pas, mais notre réalité artistique de musicien n'est pas du tout circonscrite par cette acception en termes de géographie, en termes de développement, en termes de réflexion même. Ceci dit, on ancre notre discours dans la réalité qui est la plus proche de nous, c'est-à-dire celle de notre ville. Mais ce n'est pas pour parler uniquement de notre ville qu'on prend la parole. Et si on essaie de l'exporter, cette parole, ou de la mener à entendre à d'autres, c'est parce qu'on pense réellement que ce que propose la réalité du monde occitan et des réflexions qui ont été faites dans ce monde occitan ne peut être qu'enrichissant pour un pays qui se sclérose autour d'un centre qui avale désespérément toutes les énergies. Et donc voilà, moi je pense que ce qui est très important, c'est cette façon de repenser l'épanouissement des territoires pour que ces territoires non seulement s'expriment, mais aussi pour qu'ils soient vivants, dynamiques, inventifs et créatifs. Nos références, elles viennent aussi de cette partie de la culture qui est un peu méprisée, on va dire, par les élites, donc qui finalement n'est pas très connue. C'est à cause de ça aussi que des fois les gens ils passent à côté de ce truc-là, c'est parce que c'est tellement peu... Donc nous aussi on fait ça parce que ça casse un peu l'ignorance, ça le... Donc vous avez aussi cette fonction de passeur. Oui, après c'est aussi... c'est compliqué cette histoire, parce que bon, ok, il y a cette fonction, oui, de passeur. Passeur, ça veut dire aussi faire qu'il n'y ait pas de coupure. C'est compliqué, parce que j'aurais dû expliquer avant qu'en France, on a ce problème par rapport au folklore, par rapport à la tradition de cassure. Donc c'est aussi une façon de se mettre au niveau du monde, de faire ça. C'est-à-dire de recommencer à faire cette espèce de tableau à double entrée là, qui est nécessaire pour que la culture, elle, vive. C'est-à-dire de ne pas rejeter les choses parce qu'elles sont d'essence populaire ou de rejeter les choses parce qu'elles sont que d'essence savante, mais au contraire de continuellement les mêler et les faire interagir les unes avec les autres. Les arbres du cours, interprété par Chinana Poon sur une chanson de Victor Gélu écrite en 1839. La frenisie mi pugne la velana, ma i fede di uno ste con su furus, vien più l'usile stello tramontana, fan de rabali bei zumedo cus. Il y a quelque chose qui me chatouille la noisette. Nos dirigeants n'y voient plus clair. Vien plus estelle tramontane, ça veut dire ils ne voient plus l'étoile polaire, ils ne comprennent plus rien. Ils font des rabats, ils baisent et d'un coup, c'est-à-dire ils font abattre, ils font arracher les beaux ormes du cours. Donc là, on a Gélu qui parle de la destruction des arbres du cours Belzens, l'Isaum et d'un coup, qui étaient des ormes, donc des grands ormes. Et le cours Belzens, on le sait encore aujourd'hui parce qu'il y a une rue qui s'appelle la rue du poids de la farine. C'était l'endroit où il y avait beaucoup, beaucoup de boulangeries, beaucoup de fours. On cuisait énormément dans tout le cours Belzens et tout autour du cours Belzens. Et donc du coup, les arbres du cours, on les fait détruire. Et d'un coup, tout le monde se retrouve écrasé de soleil. Et en fait, le commis émet l'hypothèse qu'en fait, c'est juste une vengeance. Puisque le mouvement révolutionnaire est parti du cours Belzens, est parti des endroits où il y avait les boulangeries, et bien pour les accabler dans la chaleur infernale de leur métier, on va leur enlever le seul endroit où ils peuvent prendre un peu d'ombre, un peu de fraîcheur pendant leur pause, c'était sous les ormes, et bien on va leur enlever ce plaisir. Donc tu vois, c'est un moment historique très précis qui correspond à quelque chose dans l'histoire populaire marseillaise aussi. C'est-à-dire c'est la vision du peuple d'un événement qui n'est même plus inscrit dans l'histoire. Qui ça peut intéresser qu'on abatte des arbres? Qui va mettre ça dans un livre d'histoire? Tiens, on a abattu des arbres sur le cours Belzens à Marseille. Et bien pour cette personne-là, c'est un événement historique et c'est un événement plus de vengeance, de classe. Vien più l'usile stella tramontana, fan dei rabali dei zume d'auco. La fonction sociale du chant, ça serait, moi, à l'époque où je faisais ça, mais encore aujourd'hui, une fonction politique, une fonction de réveil, comme un réveil presque militaire, tu vois, c'est, on t'envoie un coup de clairon dans la gueule, quoi. Il y a cette notion-là de réveil et d'éveil à une réalité de laquelle on a été soustrait, comme c'était le cas pour nous sur la réalité occitane. parce qu'on habitait et on construisait notre vie sur ce territoire, mais territoire dont nous ne pouvions approcher que l'histoire académique, jamais l'histoire populaire, jamais l'histoire. Et donc, ben c'est un autre imaginaire, c'est une autre narrativité, c'est un autre univers. Et elle est là, notre histoire, si tu veux. Notre histoire, elle est là. Elle n'est pas dans... Et Napoléon III, enfin, détruisit le cloaque des vieux quartiers pour faire la magnifique rue impériale. Non, on ne peut pas s'approprier ça. Et on s'est dit, dans le chant traditionnel, ce qui est à prendre en charge, dans ce qu'on va proposer, c'est aussi cet autre regard sur Marseille, cet autre regard sur ce que peut être l'Occitan, et un regard pas du tout accusateur vis-à-vis des autres, qui s'appuie pas sur la volonté de casser en deux l'État français ou machin. Nous, ce qu'on avait envie surtout, c'est d'exprimer, et ce qu'on a toujours envie, notre joie d'y être. Maya résoule les prix de la commune et condamne les vieilles sous métaux cours. Merci à Moussuté et Papéji, Sam Carpiania, Elisabeth Sestor. Merci à Manu Théron pour son témoignage et pour toutes les chansons transmises. Merci aussi à Alessi Delombria et Primitivi pour l'enregistrement des Sardinades de la Plaine. Prise de son, Yvan Charby, Jean-André Giannichini. Mixage, Éric Boisset. Marseille, en chair et en oc, un documentaire de Péroline Barbet, réalisé par Séverine Cassa. Mi pugne la velano, mai fede di un oeste con su furu, vien più l'usile stelo tramontano, fande rabale i bei zume da un cu. Voilà pour ce documentaire que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC. Nous continuons demain notre série sur la ville de Marseille en nous intéressant à son passé industriel.